Chapitre 10. La chasse aux moineaux. En revenant de chercher du miel chez le Mauser, je rencontrai le petit Hans Haden, qui était allé glisser sur le guévoir. Il s'en retournait, les mains dans les poches, et me cria « Fritzl ! Fritzl !» S'étant approché, d'abord il regarda les deux beaux rayons de miel sur mon assiette et me dit « C'est pour vous, ça ?»« Non, c'est pour faire de la boisson à la dame française qui est malade. » « Je voudrais bien être malade à sa place, » dit-il, en se léchant d'un air expressif le bord de ses grosses lèvres retroussées. Puis il demanda « Qu'est-ce que tu fais cet après-midi ?»« Je ne sais pas. » Alors il regarda mon assiette du coin de l'œil et se grattant le bas du dos. « Écoute, si tu veux, » dit-il, « nous irons poser des attrapes derrière le fumier de la poste. Il y a beaucoup de verdiers et de moineaux le long des haies, sous les hangars et dans les arbres du poststall. » « Je veux bien, » lui répondis-je. « Oui, arrive ici sur le perron, nous partirons ensemble. » Avant de nous séparer, Hans Haden me demanda s'il pouvait passer le doigt au fond de l'assiette. Je lui donnai cette permission et il trouva le miel très bon. Après quoi, chacun reprit son chemin et je rentrai chez nous. « Ah, te voilà !» s'écria Lisbeth en me voyant entrer dans la cuisine. « Je croyais que tu ne reviendrais plus. » « Dieu du ciel, il t'en faut à toi du temps pour faire une commission !» La pendule sonnait midi. Quelques instants après, la vieille servante apporta la petite soupière pour nous deux. Elle fit le signe de la croix et nous dînâmes. À chaque instant, je tournais la tête pour regarder si Hans Haden ne se promenait pas déjà sur le perron de l'église. Je ne songeais qu'au fumier du poststall. Je voyais déjà nos attrapes en briques posées autour dans la neige, la tuile levée, soutenue par deux petits bois en fourche, et les grains de blé au bord et dans le fond. Je voyais les verdiers tourbillonner dans les arbres, et les moineaux rangés à la file, sur le bord des toits, s'appelant, épiant, écoutant, tandis que nous, tout au fond du hangar, derrière les bottes de paille, nous attendions le cœur battant d'impatience. Puis, un moineau voltigeait sur le fumier, la queue en éventail, puis un autre, puis toute la bande. « les voilà près de nos attrapes. Ils vont descendre, déjà un, deux, trois sautent autour et becquettent les grains de blé. Frou ! Tous s'envolent à la fois. C'est un bruit à la ferme. C'est le garçon Yeri avec ses gros sabots qui vient de crier dans l'écurie à l'un de ses chevaux. « Allons, te retourneras-tu, fou ?» Quel malheur ! Si seulement tous les chevaux étaient crevés et Yeri avec. Enfin, il faut attendre encore. Les moineaux sont partis bien loin. Tout à coup, un d'eux se remet à crier. Ils reviennent sur les toits. Ah, Seigneur Dieu, pourvu que Yeri ne crie plus, pourvu que tout se taise. S'il n'y avait seulement pas de gens dans cette ferme ni sur la route, quelle transe! Enfin, en voilà un qui redescend. Hans Haden me tire par le pan de ma veste. Nous ne respirons plus. Nous sommes comme muets d'espérance et de crainte. Tout cela, je le voyais d'avance. Je ne me tenais plus en place. « Mais au nom du ciel, qu'as-tu donc ?» me disait Lisbeth. « Tu vas, tu cours comme une âme en peine. Tiens-toi donc tranquille !» Je n'entendais plus. Le nez aplati contre la vitre, je pensais. « Viendra-t-il ou ne viendra-t-il pas ? Il est peut-être déjà là-bas. Il en aura emmené un autre ?» Cette idée me paraissait terrible. J'allais partir, quand enfin Hans Haden traversa la place. Il regardait vers notre maison, épiant du coin de l'œil. Mais il n'eut pas besoin d'épier longtemps. J'étais déjà dans l'allée et j'ouvrais la porte. Puis je courus le long du mur, de crainte d'une commission ou de tout autre empêchement. Il peut vous arriver tant de malheurs dans ce bas monde. Et ce n'est que bien loin de là, dans la ruelle des Orties, que Hans Haden et moi nous fîmes halte pour reprendre haleine. « Tu as du blé, Hans Haden ?»« Oui. Et ton couteau ?»« Sois donc tranquille, le voilà. »« Mais écoute, Fritzl, je ne peux pas tout porter. Il faut que tu prennes les briques et moi les tuiles. »« Oui, allons. » Et nous repartîmes à travers champs derrière le village, ayant de la neige jusqu'aux hanches. L'oncle Jacob lui-même nous aurait appelé alors que nous nous serions sauvés comme des voleurs sans tourner la tête. Nous arrivâmes bientôt à la vieille tuilerie abandonnée, car on cuit rarement en hiver, et nous prîmes notre charge de briques. Puis, Remontant la prairie, nous traversâmes les haies du postal, toutes couvertes de givre, juste en face des grands fumiers carrés, derrière les écuries et le hangar. Déjà de loin, nous voyons les moineaux alignés au bord du toit. « Je te le disais bien !» faisait Hans Aden. « Écoute, écoute !» 2 minutes après, nous posions nos attrapes entre les fumiers, en déblayant la neige au fond. Hans Aden tailla les petites fourches, plaça les tuiles avec délicatesse, puis il sema le blé tout autour. Les moineaux nous contemplaient du haut des toits en tournant légèrement la tête sans rien dire. Hans Aden se releva, s'essuyant le nez du revers de la manche et clignant de l'œil pour observer les moineaux. « Arrive !» fit-il tout bas. « Ils vont tous descendre !» Nous entrâmes sous le hangar, plein de bonnes espérances, et dans le même instant, toute la bande disparut. Nous pensions qu'ils reviendraient, mais jusque vers 4 heures, nous restâmes blottis derrière les bottes de paille, sans entendre un cri de moineau. Ils avaient compris ce que nous faisions et s'en étaient allés bien loin, à l'autre bout du village. Qu'on juge de notre désespoir, Hans Aden, malgré son bon caractère, éprouvait une indignation terrible et moi-même je faisais les plus tristes réflexions, pensant qu'il n'y a rien de plus bête au monde que de vouloir prendre des moineaux en hiver, lorsqu'ils n'ont que la peau et les os et qu'il en faudrait 4 pour faire une bouchée. Enfin, là d'attendre et voyant le jour baisser, nous revînmes au village en suivant la grande route, grelottant, les mains dans les poches, le nez humide et le bonnet tiré sur la nuque d'un air piteux. Hélas, j'étais bredouille.